En Islande, chapitre 50. Espérais-tu finir par un autre trépas ? Alex soumet. Jetons maintenant un regard dans l'autre cachot de la prison militaire, adossé à la caserne des arquebusiers, qui renferme notre ancienne connaissance, Turiaf Musdoemon. On s'est peut-être étonné d'entendre ce Musdoemon, si profondément rusé, si profondément lâche, livrer avec tant de bonne foi le secret de son crime au tribunal qui l'a condamné, et cacher avec tant de générosité la part qu'y a prise son ingrat patron, le chancelier d'Alefeld. Qu'on se rassure cependant, Musdoemon n'était point converti. Cette généreuse bonne foi était peut-être la plus grande preuve d'adresse qu'il eût jamais donnée. Quand il avait vu toute son infernale intrigue si inopinément dévoilée et si invinciblement démontrée, il avait été un instant étourdi et épouvanté. Cette première impression passée, l'extrême justesse de son esprit lui fit sentir que, dans l'impuissance de perdre désormais ses victimes désignées, il ne devait plus songer qu'à se sauver. Deux parties à prendre se présentèrent à lui. Se décharger de tout sur le compte d'Alefeld, qu'il abandonnait si lâchement, ou prendre sur lui tout le crime qu'il avait partagé avec le comte. Un esprit vulgaire se fut jeté sur le premier. Musdoemon choisit le second. Le chancelier était chancelier. D'ailleurs, rien ne le compromettait directement dans ses papiers qui accablaient son secrétaire intime. Puis il avait échangé quelques regards d'intelligence avec Musdoemon. Il n'en fallut pas davantage pour déterminer celui-ci à se laisser condamner, certain que le comte d'Alefeld faciliterait son évasion, moins encore par reconnaissance pour le service passé que par besoin de ses services futurs. Il se promenait donc dans sa prison, qu'éclairait à peine une lampe sépulcrale, ne doutant pas que la porte ne lui en fût ouverte dans la nuit. Il examinait la forme de ce vieux cachot de pierre, bâti par d'anciens rois, dont l'histoire sait à peine les noms, s'étonnant seulement qu'il eût un plancher de bois, sur lequel ses pas retentissaient profondément, comme s'il eût couvert quelque cavité souterraine. Il remarquait un gros anneau de fer scellé dans la clé de la voûte en ogive, et auquel pendait un lambeau de vieille corde rompue. Et le temps s'écoulait, et il écoutait avec impatience l'horloge du donjon sonner lentement les heures, entraînant ses tintements lugubres dans le silence de la nuit. Enfin, un mouvement de pas se fit entendre en dehors du cachot. Son cœur battit d'espérance. L'énorme serrure cria, les cadenas s'agitèrent, les chaînes tombèrent. Et quand la porte s'ouvrit, son front rayonna de joie. C'était le personnage en habit d'écarlate que nous venons de voir dans le cachot de Han. Il portait sous son bras un rouleau de cordes de chanvre et était accompagné de quatre hallebardiers vêtus de noir et armés d'épées et de pertuisanes. Musdoemon était encore en robe et en perruque de magistrat. Ce costume parut faire effet sur l'homme rouge. Il le salua, comme accoutumé à le respecter. « Seigneur, demanda-t-il au prisonnier avec quelque hésitation, est-ce à votre courtoisie que nous avons affaire ?»« Oui, oui, répondit en hâte Musdoemon, confirmé dans son espoir d'évasion par ce début poli et ne remarquant point la couleur sanglante des vêtements de celui qui lui parlait. « Vous vous nommez ?» dit l'homme, les yeux fixés sur un parchemin qu'il avait déployé. « Turiaf Musdoemon. Précisément, vous venez, mes amis, de la part du grand chancelier ?»« Oui, votre courtoisie. » N'oubliez pas, quand vous aurez terminé votre mission, d'exprimer à sa grâce toute ma reconnaissance. » L'homme aux habits rouges leva sur lui un regard étonné. « Votre reconnaissance ?»« Oui, sans doute, mes amis, car il me sera probablement impossible de la lui témoigner moi-même tout de suite. « Probablement, » répondit l'homme avec une expression ironique. « Et vous sentez, » poursuivit Miss Duémone, « que je ne dois pas me montrer ingrat pour un pareil service. » « Par la croix du bon larron !» s'écria l'autre en riant lourdement. « On dirait, à vous entendre, que le chancelier fait pour votre courtoisie tout autre chose. » « Sans doute, il ne me rend encore en ce moment qu'une justice rigoureuse. » « Rigoureuse, soit. Mais enfin, vous convenez que c'est justice. C'est le premier aveu de ce genre que j'entends depuis 26 ans que j'exerce. Allons, seigneur, le temps se passe en paroles. Êtes-vous prêt ?»« Je le suis !» dit M. Desmond joyeux, faisant un pas vers la porte. « Attendez, attendez un moment !» cria l'homme rouge, se baissant pour déposer à terre son rouleau de cordes. M. Desmond s'arrêta. « Pourquoi donc toute cette corde ?»« Votre courtoisie a raison de me faire cette question. J'en ai là, en effet, bien plus qu'il ne m'en faut. Mais au commencement de ce procès, je croyais avoir bien plus de condamnés. » En parlant ainsi, l'homme dénouait son rouleau de corde. « Allons, dépêchons !» dit M. Desmond. « Votre courtoisie est bien pressée. Est-ce qu'elle n'a pas encore quelques prières ?» Point d'autre que celle que je vous ai déjà adressée, de remercier pour moi sa grâce. Pour Dieu, hâtons-nous, ajouta Miss Duémone. Je suis impatient de sortir d'ici. Avons-nous beaucoup de chemin à faire? De chemin? Reprit l'homme aux vêtements d'écarlate, se redressant et mesurant plusieurs brasses de cordes déroulées. La route qui nous reste à faire ne fatiguera pas beaucoup votre courtoisie, car nous allons tout terminer sans mettre le pied hors d'ici. » Miss Duémone tressaillit. « Que voulez-vous dire ?»« Que voulez-vous dire vous-même ? » demanda l'autre. « Oh Dieu !» dit Miss Duémone, pâlissant comme s'il entrevoyait une lueur funèbre. « Qui êtes-vous ? » « Je suis le bourreau. » Le misérable trembla ainsi qu'une feuille sèche que le vent secoue. « Est-ce que vous ne venez pas pour me faire évader ?» murmura-t-il d'une voix éteinte. Le bourreau partit d'un éclat de rire. « Si fait, vraiment, pour vous faire évader dans le pays des esprits, où je vous proteste qu'on ne pourra plus vous reprendre. » Miss Duémone s'était prosternée, la face contre terre. « Grâce, ayez pitié de moi, grâce !»« Sur ma foi, » dit froidement le bourreau, « c'est la première fois qu'on me fait une pareille demande. »« Est-ce que vous me prenez pour le roi ?» L'infortuné se traînait à genoux, souillant sa robe dans la poussière, frappant le plancher de son front, un moment auparavant si radieux, et embrassant les pieds du bourreau avec des cris sourds et des sanglots étouffés. « Allons, paix !» reprit le bourreau. « Je n'avais point encore vu la robe noire s'humilier devant ma veste rouge. » Il repoussa du pied le suppliant. « Camarade, prie Dieu et les saints, ils t'écouteront mieux que moi. » Miss Duémone resta agenouillée, le visage caché dans ses mains et pleurant amèrement. Cependant, le bourreau, se haussant sur la pointe des pieds, avait passé la corde dans l'anneau de la voûte. Il la laissa pendre jusque sur le plancher, puis l'arrêta par un double tour. Puis prépara un nœud coulant à l'extrémité qui touchait à terre. « J'ai fini, » dit-il au condamné, quand ses menaçants apprêts furent terminés. « En as-tu fini de même avec la vie ?»« Non, » dit Miss Duémone, se levant. « Non, cela ne se peut. Vous commettez quelque horrible méprise. Le chancelier d'Alefeld n'est point assez infâme. Je lui suis trop nécessaire. » Il est impossible que ce soit pour moi que l'on vous ait envoyé. Laissez-moi fuir. Craignez d'encourir la colère du chancelier. Ne nous as-tu point déclaré, répliqua le bourreau, que tu étais Turiaf Miss Duémone? Le prisonnier demeura un moment silencieux. Non, dit-il tout à coup. Non, je ne me nomme point Miss Duémone. Je me nomme Turiaf Orugix. « Orugix ! » s'écria le bourreau. « Orugix ! Il arracha précipitamment la perruque qui cachait le visage du condamné et poussa un cri de stupeur. « Mon frère !»« Ton frère !» répondit le condamné avec un étonnement mêlé de honte et de joie. « Serais-tu... » « Nicole Orugix, bourreau de Drotheimus, pour te servir, mon frère Turiaf !» Le condamné se jeta au cou de l'exécuteur en l'appelant son frère chéri. Cette reconnaissance fraternelle n'eut pas dilaté le cœur de celui qui en eût été témoin. Turiaf prodiguait à Nicole 1000 caresses avec un sourire affecté et craintif, auquel Nicole répondait par des regards sombres et embarrassés. On eût dit un tigre flattant un éléphant au moment où le pied pesant du monstre presse son ventre haletant. « Quel bonheur, frère Nicole! Je suis bien joyeux de te revoir !»« Et moi, j'en suis fâché pour toi, frère Turiaf !» Le condamné feignait de ne point entendre et poursuivait d'une voix tremblante. « Tu as une femme et des enfants, sans doute. Tu me mèneras voir mon aimable sœur et embrasser mes charmants neveux ?»« Signe de croix du démon !» murmura le bourreau. « Je veux être leur second père. Écoute, frère, je suis puissant, j'ai du crédit. » Le frère répondit d'un accent sinistre. « Je sais que tu en avais. À présent, ne songe plus qu'à celui que tu as sans doute su te ménager près des saints. » Toute espérance disparut du front du condamné. « Oh Dieu, que signifie ceci, chère Nicole? Je suis sauvée puisque je te retrouve. Songe que le même ventre nous a portés, que le même sein nous a nourris, que les mêmes jeux ont occupé notre enfance. Souviens-toi, Nicole, que tu es mon frère. » Jusqu'à cette heure, tu ne t'en étais pas souvenu, répondit le farouche Nicole. Non, je ne puis mourir de la main de mon frère. C'est ta faute, Turiaf. C'est toi qui as rompu ma carrière, qui m'a empêché d'être exécuteur royal de Copenhague, qui m'a fait jeter comme bourreau de province dans ce misérable pays. Si tu n'avais point agi ainsi en mauvais frère, tu ne te plaindrais pas de ce qui te révolte aujourd'hui. Je ne serais point dans le Drotheimus, et ce serait un autre qui ferait ton affaire. Nous en avons dit assez, mon frère. Il faut mourir. La mort est hideuse aux méchants, par le même sentiment qui la rend belle à l'homme de bien. Tous deux vont quitter ce qu'ils ont d'humain, mais le juste est délivré de son corps comme d'une prison. Le méchant en est arraché comme d'une forteresse. Au dernier moment, l'enfer se révèle à l'âme perverse qui a rêvé le néant. Elle frappe avec inquiétude sur la sombre porte de la mort, et ce n'est pas le vide qui lui répond. Le condamné se roula sur le plancher en se tordant les bras, avec une plainte plus déchirante que la lamentation éternelle d'un damné. « Miséricorde de Dieu, saints anges du ciel, si vous existez, ayez compassion de moi. Nicole, mon Nicole, au nom de notre mère commune, oh, laisse-moi vivre !» Le bourreau montra son parchemin. « Je ne puis, l'ordre est précis. » « Cet ordre ne me concerne pas !» balbutia le désespéré prisonnier. « Il regarde un certain Musduémon. Ce n'est pas moi. Je suis Turiaf Orugix. » « Tu veux rire ?» dit Nicole en haussant les épaules. « Je sais bien qu'il s'agit de toi. D'ailleurs, » ajouta-t-il durement, « tu n'aurais point été hier pour ton frère Turiaf Orugix. Tu n'es pour lui aujourd'hui que Turiaf Musduémon. » « mon frère !» reprit le misérable. « Eh bien, attends jusqu'à demain. Il est impossible que le grand chancelier ait donné l'ordre de ma mort. C'est un affreux malentendu. Le comte d'Allefeld m'aime beaucoup. Je t'en conjure, mon cher Nicole, la vie. Je serai bientôt rentré en faveur et je te rendrai tous les services. » « Tu ne peux plus m'en rendre qu'un, Turiaf !» interrompit le bourreau. J'ai déjà perdu les deux exécutions sur lesquelles je comptais le plus, celle de l'ex-chancelier Schumacher et du fils du vice-roi. J'ai toujours du malheur. Il ne me reste plus que Andisland et toi. Ton exécution, comme nocturne et secrète, me vaudra 12 ducats d'or. Laisse-moi donc faire tranquillement. Voilà le seul service que j'attends de toi. » « Oh Dieu !» dit douloureusement le condamné. « Ce sera le premier et le dernier, à la vérité. Mais, en revanche, je te promets que tu ne souffriras point. Je te pendrai en frère. Résigne-toi. » Musdémon se leva. Ses narines étaient gonflées de rage. Ses lèvres vertes tremblaient. Ses dents claquaient. Sa bouche écumait de désespoir. « Satan ! J'aurais sauvé ce Dallefeld. J'aurais embrassé mon frère et ils me tueront. Et il faudra mourir la nuit dans un cachot obscur, sans que le monde puisse entendre mes malédictions, sans que ma voix puisse tonner sur eux d'un bout du royaume à l'autre, sans que ma main puisse déchirer le voile de tous leurs crimes. Ce sera pour arriver à cette mort que j'aurai souillé toute ma vie. Misérable ! Poursuivit-il, s'adressant à son frère. « Tu veux donc être fratricide ?»« Je suis bourreau, » répondit le flegmatique Nicole. « Non !» s'écria le condamné. Et il s'était jeté à corps perdu sur le bourreau, et ses yeux lançaient des flammes et répandaient des larmes comme ceux d'un taureau aux abois. « Non, je ne mourrai pas ainsi. Je n'aurais point vécu comme un serpent formidable pour mourir comme le misérable ver qu'on écrase. Je laisserai ma vie dans ma dernière morsure, mais elle sera mortelle. » En parlant ainsi, il étreignait en ennemi celui qu'il venait d'embrasser en frère. Le flatteur et caressant Musdémon se montrait en ce moment ce qu'il était dans son essence. Le désespoir avait remué le fond de son âme ainsi qu'une lie, et après avoir rampé comme le tigre, il se redressait comme lui. Il eût été difficile de décider lequel des deux frères était le plus effroyable dans ce moment où ils luttaient, l'un avec la stupide férocité d'une bête sauvage, l'autre avec la fureur rusée d'un démon. Mais les quatre hallebardiers, jusqu'alors impassibles, n'étaient pas restés immobiles. Ils avaient prêté assistance au bourreau, et bientôt Musdémon, qui n'avait d'autre force que sa rage, fut contraint de lâcher prise. Il alla se jeter à plat ventre contre la muraille, poussant des hurlements inarticulés et émoussant ses ongles sur la pierre. « Mourir, démon de l'enfer ! Mourir sans que mes cris percent ses voûtes, sans que mes bras renversent ses murs !» On le saisit sans éprouver de résistance. Son effort inutile l'avait épuisé. On le dépouilla de sa robe pour le garrotter. En ce moment, un paquet cacheté tomba de ses vêtements. « Qu'est cela ? » dit le bourreau. Une espérance infernale luisait dans l'œil hagard du condamné. « Comment avais-je oublié cela ? » murmura-t-il. « Écoute, frère Nicole, » ajouta-t-il d'une voix presque amicale, « ces papiers appartiennent au grand chancelier. Promets-moi de les lui remettre et fais ensuite de moi ce que tu voudras. » « Puisque tu es tranquille maintenant, je te promets de remplir ta dernière intention, quoique tu viennes d'agir envers moi comme un mauvais frère. Ces papiers seront remis au chancelier, foi d'Orugix. Demande à les lui remettre toi-même, » reprit le condamné en souriant au bourreau, qui, par sa nature, comprenait peu les sourires. « Le plaisir qu'ils causeront à sa grâce te vaudra peut-être quelques faveurs. » « Vrai, frère ? » dit Orugix. « Merci. Peut-être le diplôme d'exécuteur royal, n'est-ce pas ? Eh bien, quittons-nous, bons amis. Je te pardonne les coups d'ongles que tu m'as donnés. Pardonne-moi le collier de cordes que tu vas recevoir de moi. » « Le chancelier m'avait promis un autre collier, » répondit Musdémon. Alors les hallebardiers l'amenèrent garrotté au milieu du cachot. Le bourreau lui passa le fatal nœud coulant autour du cou. « Turiaf, es-tu prêt ?»« Un instant, un instant !» dit le condamné auquel sa terreur était revenue. « De grâce, mon frère, ne tire pas la corde avant que je ne te le dise !»« Je n'aurai pas besoin de tirer la corde, » répondit le bourreau. Une minute après, il répéta sa question. « Es-tu prêt ?»« Encore un instant, hélas, il faut donc mourir !» Turiaf, Je n'ai pas le temps d'attendre. » En parlant ainsi, Aurugix invitait les hallebardiers à s'éloigner du condamné. « Un mot encore, frère. N'oublie pas de remettre le paquet au comte d'Alefeld. » « Sois tranquille, » répliqua le frère. Il ajouta pour la troisième fois, « Allons, es-tu prêt ?» L'infortuné ouvrait la bouche pour implorer peut-être encore une minute de vie, quand le bourreau impatient se baissa. Il tourna un bouton de cuivre qui sortait du plancher. Le plancher se déroba sous le patient. Le misérable disparut dans une trappe carrée, au bruit sourd de la corde qui se tendait soudainement avec d'effrayantes vibrations, causées en partie par les dernières convulsions du mourant. On ne vit plus que de la corde qui s'agitait dans la sombre ouverture, d'où s'échappait un vent frais et une rumeur pareille à celle de l'eau courante. Les hallebardiers eux-mêmes reculèrent, frappés d'horreur. Le bourreau s'approcha du gouffre, saisit de la main la corde qui vibrait toujours et se suspendit sur l'abîme, s'appuyant des deux pieds sur les épaules du patient. La fatale corde se tendit avec un son rauque et demeura immobile. Un soupir étouffé venait de sortir de la trappe. « C'est bon, » dit le bourreau remontant dans le cachot. « Adieu, frère !» Il tira un coutelas de sa ceinture. « Va nourrir les poissons du golfe, que ton corps soit la proie de l'eau tandis que ton âme sera celle du feu. » À ces mots, il coupa la corde tendue. Ce qui en resta suspendu à l'anneau de fer revint fouetter la voûte, tandis qu'on entendait l'eau profonde et ténébreuse rejaillir de la chute du corps, puis continuer sa course souterraine vers le golfe. Le bourreau referma la trappe comme il l'avait ouverte. Au moment où il se redressait, il vit le cachot plein de fumée. « Qu'est-ce donc ? » demanda-t-il au hallebardier. « D'où vient cette fumée ?» Il l'ignorait comme lui. Surpris, ils ouvrirent la porte du cachot. Les corridors de la prison étaient également inondés d'une fumée épaisse et nauséabonde. Une issue secrète les conduisit, alarmés, dans la cour carrée où un spectacle effrayant les attendait. Un immense incendie, accru par la violence du vent d'est, dévorait la prison militaire et la caserne des arquebusiers. La flamme, poussée en tourbillon, rampait autour des murs de pierre, couronnait les toits ardents, sortait comme d'une bouche des fenêtres dévorées. Et les noires tours de Munkholm tantôt se rougissaient d'une clarté sinistre, tantôt disparaissaient dans d'épais nuages de fumée. Un guichetier qui fuyait dans la cour leur apprit en peu de mots que le feu était parti, pendant le sommeil des gardiens de Handisland, du cachot du monstre, auquel on avait eu l'imprudence de donner de la paille et du feu. « J'ai bien du malheur !» s'écria Aurugix à ce récit. « Voilà encore sans doute Handisland qui m'échappe. Le misérable aura été brûlé, et je n'aurai même plus son corps que j'ai payé 2 ducats. » Cependant, les malheureux arquebusiers de Munkholm, réveillés en sursaut par cette mort imminente, se pressaient en foule à la grande porte, embarrassés de funestes barricades. On entendait du dehors leurs clameurs d'angoisse et de détresse. On les voyait se tordre les bras aux fenêtres en feu, ou se précipiter sur les dalles de la cour, évitant une mort dans une autre. La flamme victorieuse embrassait tout l'édifice, avant que le reste de la garnison eût eu le temps d'accourir. Tout secours était déjà inutile. Le bâtiment était heureusement isolé. On se borna à enfoncer à coups de hache la porte principale. Mais ce fut trop tard, car au moment où elle s'ouvrait, toute la charpente embrasée du toit de la caserne s'écroula avec un long fracas sur les infortunés soldats, entraînant dans sa chute les combles et les étages incendiés. L'édifice entier disparut alors dans un tourbillon de poussière enflammée et de fumée ardente où s'éteignaient quelques faibles clameurs. Le lendemain matin, il ne s'élevait plus dans la cour carrée que 4 hautes murailles noires et chaudes encore, entourant un horrible amas de décombres fumants, qui continuaient à se dévorer les uns les autres, comme des bêtes dans un cirque. Quand toute cette ruine fut un peu refroidie, on en fouilla les profondeurs. Sous une couche de pierres, de poutres et de ferrures tordues par le feu, reposait un amas d'ossements blanchis et de cadavres défigurés. Avec une trentaine de soldats, pour la plupart estropiés, c'était ce qui restait du beau régiment de Munkholm. Lorsqu'en remuant les débris de la prison, on arriva au cachot fatal d'où l'incendie était parti et que Handisland avait habité, on y trouva les restes d'un corps humain couché près d'un réchaud de fer sur des chaînes rompues. On remarqua seulement que parmi ces cendres, il y avait deux crânes, quoiqu'il n'y eût qu'un cadavre. Chapitre 51. Saladin. Bravo, Ibrahim, tu es vraiment un messager de bonheur. Je te remercie de ta bonne nouvelle. Le Mameluk. Eh bien, il n'en est que cela? Saladin. Qu'attends-tu? Le Mameluk. Il n'y a rien de plus pour le message du bonheur? Lessing, Nathan le Sage. Pâle et défait, le comte d'Alefeld se promène à grands pas dans son appartement. Il froisse dans ses mains un paquet de lettres qu'il vient de parcourir et frappe du pied le marbre poli et les tapis à franges d'or. À l'autre bout de l'appartement se tient debout, quoique dans l'attitude d'une prostration respectueuse, Nicole Orugix, vêtue de son infâme pourpre et son chapeau de feutre à la main. « Tu m'as rendu service, Miss Duemon, » murmure le chancelier entre ses dents, resserré par la colère. Le bourreau lève timidement son regard stupide. « Sa grâce est contente ?»« Que veux-tu, toi ?» dit le chancelier se détournant brusquement. Le bourreau, fier d'avoir attiré un regard du chancelier, sourit d'espérance. « Ce que je veux, votre grâce !» La place d'exécuteur à Copenhague. Si votre grâce daigne payer par cette haute faveur les bonnes nouvelles que je lui apporte. Le chancelier appelle les deux hallebardiers de garde à la porte de son appartement. Qu'on saisisse ce drôle qui a l'insolence de me narguer. Les deux gardes entraînent Nicole, stupéfait et consterné, qui hasarde encore une parole. Seigneur, tu n'es plus bourreau du Trotemus, j'annule ton diplôme, reprend le chancelier, poussant la porte avec violence. Le chancelier ressaisit les lettres, les lit, les relit avec rage, s'enivrant en quelque sorte de son déshonneur, car ces lettres sont l'ancienne correspondance de la comtesse avec Muse Duemon. C'est l'écriture d'Elfège. Il y voit qu'Ulrich n'est pas sa fille, que ce Frédéric si regretté n'était peut-être pas son fils. Le malheureux comte est puni par le même orgueil qui a causé tous ses crimes. C'est peu d'avoir vu sa vengeance fuir de sa main. Il voit tous ses rêves ambitieux s'évanouir, son passé flétri, son avenir mort. Il a voulu perdre ses ennemis, il n'a réussi qu'à perdre son crédit, son conseiller, et jusqu'à ses droits de mari et de père. Il veut du moins voir une fois encore la misérable qui l'a trahi. Il traverse les grandes salles d'un parapide, secouant les lettres dans ses mains, comme s'il eût tenu la foudre. Il ouvre en furieux la porte de l'appartement d'Elfège. Il entre. Cette coupable épouse venait d'apprendre subitement du colonel Welltown l'horrible mort de son fils Frédéric. La pauvre mère était folle. Conclusion. Ce que j'avais dit par plaisanterie, vous l'avez pris sérieusement. Romances espagnoles, le roi Alphonse à Bernard. Depuis 15 jours, les événements que nous venons de raconter occupaient toutes les conversations de Trondheim et du Trondemus. jugés selon les diverses faces qu'ils avaient présentées au jour. La populace de la ville, qui s'était vainement attendue au spectacle de 7 exécutions successives, commençait à désespérer de ce plaisir. Et les vieilles femmes, à demi aveugles, racontaient encore qu'elles avaient vu, la nuit du déplorable embrasement de la caserne, Andislande s'envoler dans une flamme, riant dans l'incendie et poussant du pied la toiture brûlante de l'édifice sur les arquebusiers de Munkholm. Lorsque, après une absence qui avait semblé bien longue à son étel, Ordener reparut dans le donjon du lion de Schleswig, accompagné du général Levin de Knud et de l'aumônier Athanase Münder. Schumacher se promenait en ce moment dans le jardin, appuyé sur sa fille. Les deux jeunes époux eurent bien de la peine à ne point tomber dans les bras l'un de l'autre. Il fallut encore se contenter d'un regard. Schumacher serra affectueusement la main d'Ordener et salua d'un air de bienveillance les deux étrangers. « Jeune homme, dit le vieux captif, que le ciel bénisse votre retour. »« Seigneur, répondit Ordener, j'arrive, je viens de voir mon père de Bergen, je reviens embrasser mon père de Drontein. » »« Que voulez-vous dire ? » demanda le vieillard étonné. « Que vous me donniez votre fille, noble seigneur. »« Ma fille ! » s'écria le prisonnier, se tournant vers Ethel, rouge et tremblante. « Oui, seigneur, j'aime votre Ethel. Je lui ai consacré ma vie. Elle est à moi. » Le front de Schumacher se rembrunit. « Vous êtes un noble et digne jeune homme, mon fils. Quoique votre père m'ait fait bien du mal, je le lui pardonne en votre faveur. » Et je verrai volontiers cette union. Mais il y a un obstacle. Lequel, seigneur ? Demanda Ordener presque inquiet. Vous aimez ma fille ? Mais êtes-vous sûr qu'elle vous aime ? Les deux amants se regardèrent, muets de surprise. Oui, poursuivit le père, j'en suis fâché, car je vous aime, moi, et j'aurais voulu vous appeler mon fils. C'est ma fille qui ne voudra pas. Elle m'a déclaré dernièrement son aversion pour vous. Depuis votre départ, elle se tait quand je lui parle de vous et semble éviter votre pensée, comme si elle la gênait. Renoncez donc à votre amour, Ordener. Allez, on se guérit d'aimer comme de haïr. « Seigneur ! » dit Ordener stupéfait. « Mon père ! » dit Ethel, joignant les mains. « Ma fille, sois tranquille. » interrompit le vieillard. « Ce mariage me plaît, mais il te déplaît. Je ne veux pas torturer ton cœur, Ethel. Depuis 15 jours, je suis bien changé. Va, je ne forcerai pas ta répugnance pour Ordener. Tu es libre. » Athanase Münder souriait. « Elle ne l'est pas, » dit-il. « Vous vous trompez, mon noble père, » ajouta Ethel enhardie. « Je ne hais pas Ordener. » « Comment ? » s'écria le père. « Je suis... » reprit Ethel. Elle s'arrêta. Ordener s'agenouilla devant le vieillard. « Elle est ma femme, mon père. Pardonnez-moi, comme mon autre père m'a déjà pardonné, et bénissez vos enfants. » Schumacher, étonné à son tour, bénit le jeune couple incliné devant lui. « J'ai tant maudit dans ma vie, » dit-il, que je saisis maintenant sans examen toutes les occasions de bénir. Mais à présent, expliquez-moi. » On lui expliqua tout. Il pleurait d'attendrissement, de reconnaissance et d'amour. « Je me croyais sage, je suis vieux, et je n'ai pas compris le cœur d'une jeune fille. « Je m'appelle donc Ordener Gundellau, » disait Ethel avec une joie enfantine. « Ordener Gundello, » reprit le vieux Schumacher, « vous valez mieux que moi, car dans ma prospérité, je ne serais certes pas descendu de mon rang pour m'unir à la fille pauvre et dégradée d'un malheureux proscrit. » Le général prit la main du prisonnier et lui remit un rouleau de parchemin. « Seigneur comte, ne parlez pas ainsi. Voici vos titres que le roi vous avait déjà renvoyés par Displosen. Sa Majesté vient d'y joindre le don de votre grâce et de votre liberté. Telle est la dot de la comtesse de Danneskiold, votre fille. » Grâce, liberté, répéta est-elle ravie. Comtesse de Danneskiold, ajouta le père. Oui, comte, continua le général. Vous rentrez dans tous vos honneurs, tous vos biens vous sont rendus. À qui dois-je tout cela? Demanda l'heureux Schumacher. Au général Levin de Knud, répondit Ordener. Levin de Knud! Je vous le disais bien, général gouverneur, Levin de Knud est le meilleur des hommes. Mais pourquoi n'est-il pas venu lui-même m'apporter mon bonheur? Où est-il? Ordener montra avec étonnement le général qui souriait et pleurait. Le voici. Ce fut une scène touchante que la reconnaissance de ces deux vieux compagnons de puissance et de jeunesse. Le cœur de Schumacher se dilatait enfin. En connaissant Andisland, il avait cessé de haïr les hommes. En connaissant Ordener et Levin, il se prenait à les aimer. Bientôt, de belles et douces fêtes solennisèrent le sombre hymen du cachot. La vie commença à sourire aux deux jeunes époux, qui avaient su sourire à la mort. Le comte d'Alefeld les vit heureux, ce fut sa plus cruelle punition. Athanase Münder eut aussi sa joie. Il obtint la grâce de ses 12 condamnés, et Ordener y ajouta celle de ses anciens confrères d'infortune, Kennybol, Jonas et Norbit, qui retournèrent libres et joyeux, annoncer aux mineurs pacifiés que le roi les délivrait de la tutelle. Schumacher ne jouit pas longtemps de l'union d'Etel et d'Ordener. La liberté et le bonheur avaient trop ébranlé son âme. Elle alla jouir d'un autre bonheur et d'une autre liberté. Il mourut dans la même année 1699, et ce chagrin vint frapper ses enfants, comme pour leur apprendre qu'il n'est point de félicité parfaite sur la terre. On l'inhuma dans l'église de Vær, terre que son gendre possédait dans le Jutland, et le tombeau lui conserva tous les titres que la captivité lui avait enlevés. De l'alliance d'Ordener et d'Etel naquit la famille des comtes de Danneskiold.